Entre-temps, le car s'est arrêté. « Tenez, regardez là-bas. »« Mais ce n'est pas une tour, c'est un viaduc !» s'écrie Thierry. « Oui, mais il ne vous rappelle pas quelque chose ?»« Ah, maintenant je comprends. La tour Eiffel !» dit Luc. Alex a certainement encore quelque chose à nous raconter. En effet, les plans du pont de Garabit, c'est le nom de ce viaduc, qui est long de 564 mètres et haut de 95 mètres, sont de l'ingénieur Boyer. C'est Gustave Eiffel qui a construit le pont. Grâce à cette expérience, Gustave Eiffel a pu construire la célèbre tour Eiffel pour l'exposition universelle en 1889. « Donc il est vieux, le pont !» remarque Luc. « Oui, il a exactement 5 ans de plus que la tour Eiffel. » Bon, maintenant, on va descendre la Truyère, regarder le barrage de Grandval, et après, on va chercher un bel endroit pour pique-niquer. « On ne va pas descendre à pied, quand même !» demande Daniel. « Non, pas de panique, on prend le car. » Peu de temps après, ils arrivent près du grand mur du lac de retenue. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il est haut de combien de mètres, le mur? Grand silence. Alex, tu nous énerves avec tes questions. Tu te prends pour un animateur de télé? En tout cas, moins haut que la tour Eiffel, constate finalement Luc. Bravo, reprend Alex. Il fait exactement 85 mètres de hauteur et 400 mètres de longueur. C'était une question à combien? Qu'est-ce que j'ai gagné? Demande Luc. Alors, quand est-ce qu'on va pique-niquer? Demande Thierry qui ne semble pas s'intéresser aux chiffres. J'ai une soif terrible. Attends, encore 10 minutes.